pas les couilles que ces 10 stupides m'ont parlé de vous. Surtout sois précis, parce qu'elle va te retenir ici, faut s'installer. Je m'en bats les couilles que ces fils de pute m'ont parlé de fond. Je m'en bats les couilles, j'allume la mer à celui qui me touche. Je réfléchis avant de dire tout ce qui sort de ma bouche. Il me faut 3-4 millions avant que je me couche. Avant que je me couche. Je m'en bats les couilles, j'allume la mer à celui qui me touche. Il me faut 3-4 millions avant que je me couche. On n'a plus rien à se dire, non. Le mal nous attire, les opposés s'attirent et je le dis avec guerre, moi. On m'écoute de fleurir à terre, non. Entre Choco et Fren, je me perds, moi. La santé dans la vie, important. J'ai des restes condamnés, plusieurs mois, mais wow. Je souris plus sur les photos, je pense au rêve pas trop tôt. Mais wow, on se défonce, on oublie tout. On rigole et on se retrouve, mais wow. Trafiquant, trafiquant pur, bénéf, j'investis dans le sud. Rabito, rabito, sale pute, je pourrais dire que je suis un sale chien. Je recompte les sous de la journée, j'assume la peine. Mes rêves condamnés, je repense à nous, mais j'oublie pas c'est. T'attends-moi, je suis ton poste à me dépasser. T'attends-moi, je suis ton poste à me dépasser. En manque d'inspire, j'ai ce temps passé. L'ancien m'a dit, surtout sois précis, parce qu'elle va te retenir ici, faut s'installer. Je m'en bats les couilles que c'est.